armé derrière lui. Et moi je marcherai près de lui. Hey, ce qu'on se verra. Aucun idole n'y rentrera. Vous voir à demain.